Tu as une guitare acoustique ou une guitare électrique? Enfin, une basse, pardon. T'as même déjà trouvé comment mettre l'icône. Oh, c'est pas beau, ça. Oh, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors, ok. Ben, toi, tu es sur entrée micro avec ta guitare acoustique. Oui. Monsieur Ben est demandé à l'entrée. Le magasin va fermer ses portes. Ok, et tu as un micro? L'amoroso. Un cœur flotteur. Allez, Tu n'as pas je de micro. regardais dans le truc du Ok, Goldman. alors comment on va faire? On ira. Alors là. Te donne mes mots. Il n'a pas de micro. Et il sait pas comment brancher sa guitare. Est-ce que tu as une interface? Il en achète un. Non, c'est bah non, si tu dis que tu n'as pas de carte son, tu n'as pas d'interface. Voilà, t'en achètes un et puis le problème est réglé. Sans carte son. Comment je faisais moi avant quand j'avais pas mon interface? Parce que moi je jouais tout au début, je branchais ma guitare, j'avais pas ça. Comment j'avais fait? Tout au début avec Reaper, j'avais une guitare électrique. Est-ce que vous m'entendez? J'ai cassé mes lunettes, D'ailleurs, est-ce qu'on que vous m'a volé m'entendez, dans le Paris? cambriolage, c'est pété. Oui, je t'entends. Jean-Jacques? J'entends. Marise, Marise est là. Oui, elle vous entend, elle vous entend. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé là? sur son ordinateur portable. Attends, il y a mon téléphone qui s'est déclenché tout seul. Jean-Jacques. Gigi pour JP, l'équipe, Jean-Jacques. réveille-toi. Putain, il y a du monde. Chris Closer, Lino. Il y a Lino Ventura. Ben, testing. Paris de l'Anciani. Ah, j'aime bien ça. Paris. Jean-Jacques, si tu as un ordinateur portable T'es et où que tu toi? peux Ah, t'es brancher sur ta le chat, mais guitare. reste dans le chat. Ouais, c'est une basse. T'as pris le logo basse. Jean-Jacques, ah oui, il est là. Tu m'entends, Jean-Jacques? Ah oui, il y a un autre chat là On en s'en fait. fout du logo, c'est pas ce qui va Je sais changer le pas qu'il est dans bruit. quel chat lui. La chatte aimée. Ah oui, ça me perturbe. Non mais mets-toi dans le chat. Mets-toi dans le chat du serveur. Sors Il y a du chat Jean-Pierre qui dort. public. Il te Nimbot, répond chat ici. Nimbot. D'accord. Ouais, je t'entends. Ok, c'est bon, c'est. Jean... Alors attends, j'efface, comme ça j'ai le Ok. message. Voilà, c'est bon. On est parti, Jean-Jacques. Je suis sur ton serveur. Sur ton ordinateur portable, il y a une entrée pour mettre ton casque normalement qui doit faire entrée, sortie, stéréo. Ça va être un peu compliqué sur un portable. Voilà. Là, tu as un jack 3,5. Essaye de brancher ta. Putain, ça va être compliqué le son. Hein. Normalement, si c'est une basse électrique, ça marchera pas. Est-ce que Et moi, je le c'est faisais quoi ton avant. instrument? Vas-y, Je le tu l'as dit faisais tout à en l'heure, mais je vais direct. écouter. Mais si, parce que je l'ai fait moi, tout au début. Jean-Jacques, j'attends ta Il y en réponse. a trois. Quel instrument tu as? Trois? Bon, bah une guitare, essaye une guitare. Tu prends Jam Tabac, hein, par contre. Allez, prends, on va dire que tu as une guitare Une basse, une électroacoustique, c'est guitare pas ça? électrique, une guitare acoustique. Non, mais Jean-Jacques, il n'arrive pas à brancher son Il instrument. a Jam Il a Tabac. du mal. Il a du mal. Je réponds pour Ah, lui. ça va être une catastrophe. Le problème, c'est la taille. La taille de quoi? La taille du jack? Son instrument est trop gros. Ça rentre pas dans son appartement. Du jack, Jean-Jacques a une pardon. grande guitare, trop grande guitare. C'est la taille de Jacques. Jacques, faut faire un régime. Qui est trop grand pour entrer dans son état. Et alors, faut que t'ailles acheter un... Faut que t'achètes un... Jean-Jacques, il s'appelle pas Bilos, par hasard. L'adaptateur. C'est Jean-Jacques Bilos. Pour entrer Jacques. Pourquoi il s'appelle Bilos, Jean-Jacques ? Il s'appelle Jean-Jacques Bilos. Et si c'était Bilos, il nous parlerait pas comme ça. Il y a tellement de... Ah, mais... Si, si tu... Par le micro du PC, c'est possible. Non. Joue de l'acoustique ? Non, c'est pas possible. Bah si, si dans l'audio setting, il choisit le micro. Ah bon ? Le micro du PC ? Ah mais il y a un micro sur le... Non mais je croyais qu'il parlait du micro qu'il y a sur le... Ah, Jean-Jacques ? Oula, s'il nous rajoute des trucs. Bonjour Jean-Jacques, je vois ta... C'est bien Jean-Jacques qui est à la caméra. Bon Jean-Jacques, maintenant... Salut Jean-Jacques ! Alors... Jean-Jacques a trouvé la caméra. Il y a donc une entrée sur le côté. Tu n'es plus l'homme invisible. Si tu as un jack sur l'entrée du côté, tu peux essayer de brancher quelque chose pour voir si ça sort. Si tu n'as pas de carte son externe. Voilà. Jean-Jacques est revenu sur la caméra. Jean-Jacques a un très beau plafond que j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, ben essaye de... Tiens, voilà. Essaye ouais, de brancher moi aussi, ça j'aime bien les poutres apparentes. Voilà. Comme ça, on va pouvoir t'entendre. Un micro-casque. Est-ce que tu as un micro-casque, Jean-Jacques ? Essaye ton casque micro, là. Tu pourras chanter. Est-ce que tu as un micro-casque ? Voilà. Tu le branches sur ton ordinateur. Il a ça dans les mains. Voilà. Et est-ce que... Non, on n'entend rien. Est-ce que Jean-Jacques il utilise Jam Tabac ? Sharon, est-ce qu'il l'a dit tout à l'heure ? C'est dur à expliquer. Oui. Par caméra. Est-ce que oui ? Ok. Oui. Oui. Alors sur Jam Tabac. J'ai la masse sur le buzz. Oui. Pourquoi la réponse elle est si longue à arriver ? Alors, maintenant qu'il y a Jam Tabac, il faut que tu fasses Edit. Alors, attends, comment on fait pour mettre une piste ? Je me rappelle. Préférence. Alors, en haut à gauche, tu as vos contrôles. Et là, tu dois avoir une piste. Tu as une piste à gauche sur Jam Tabac ? Bah oui, puisque tu as la caméra, je suis con. Ça, c'est la piste où tu vas... À droite de ton petit, de ta petite image basse. Après, il faut que tu ailles dans... Alors, attends. Est-ce que tu utilises Reaper aussi, hein ? Jam Tabac et Reaper, c'est ça ? Tu as Jam Tabac et Reaper, c'est ça ? Parce qu'on peut utiliser Jam Tabac tout seul, apparemment. Oui. Non, ça c'était la réponse d'avant. Je n'ai pas la main sur le buzz. Repose ma question. Est-ce que tu utilises Jam Tabac et moi, Reaper ? Moi, j'ai pas Reaper. Hein. Moi, j'utilise Jam Tabac machin en direct. Jam Tabac direct. Ok. Check. I understand. Alors, Jam Tabac... Télécharge Reaper. Bah, Jam Tabac... Non, ça peut marcher. Attends. Je reviens. Je vais essayer de me mettre juste sur Jam Tabac, ok ? Je reviens. Je vais essayer Jam Tabac tout seul. Parce que moi, je ne suis que sur Jam Tabac.